bongi na bilei oyo utaka na motema na biso kolo yanda barashika baba baba bilei na onde masantoli na biso et adoration oliaka sosote oliaka fumboate oliaka madesute nkolo yamba libondele uti na motema ya basantu olimwa motema eniye Avocat visible, associé fidèle, associé fidèle. Pour qu'on dit au boy ba château, au boy ba palais royal, au nimi kovanae, namite ma ba cuisine. Au canton moi et tane, boutu et inae. Moi moke mon azambe, et zini mokili. Aïe, maninga nanga nanga nanga. Zagombe, bolimwa motema, ozali ko aku. Tango na koma gana suke, oya ko sekure. O sekure na yo, eleki makase. Moninga malamu seyo Natikala na sena moi Moninga malamu we Zambe na bomo Kisia komela kasi kisia masumu e akokite domena na yo yawe kolo abika mo e yawe umama yawe olipisa mwasi adikte oyo kaka somo ya kopola teo Bato bakiningai Oza moto ya suka Oyebisika na kufakala Obenginga na kombo nanga Ola musinga mosantu Je peux respirer encore Grâce à ton amour Kumama ah. Oyo kelanga mawae Oshilo Sembola loboko wei Kikolata kazaka te Asinza mbena bomoi Kola disinga kazaka ya lokumwe Makolo yo papa ye Eko kakikolata sapato te Yesu masiye Ope singa valere Na pesa ya ninye Zambena lola Kolo na nga ye Papa na lola Nazala kifasare Moto asama L'ami fidèle, tu es l'ami fidèle, l'ami fidèle. mon ami de tous les jours, Yahweh. Monene, et toi, babelier. Dis-toi qui l'orena, et loco solo aussi là-haut. La gombia, bamba, et la qui sont. Isse ana, Mare, papa, oh. La poloca, babu, gende, loco, caillou. Salut, tu es là pour moi. Tu ne rejettes point, Seigneur, ceux qui viennent à toi. Tu n'as jamais changé, tu n'as jamais réussi. Tu n'as jamais changé, tu n'as jamais réussi. Je t'ai rejeté, abandonné, tu m'as ramassé. L'ami fidèle, l'ami fidèle. Forteresse, mon bouclier c'est toi Seigneur, sois loué Chino. Beaucoup feeling on you are ya sonye, na foute l'okote. Beaucoup feeling on you are de kulusme, na foute mbongote. Omoyao.